relique 13-03. On est jeune, on n'est pas du genre à se laisser faire. Interdit de donner ses fesses, si tu as niqué par SFR. Je vais te raconter pourquoi je suis toujours ici. Bien sûr que je veux percer, mais faut que j'envoie le missile. On me dit frère, vas-y, qu'est-ce t'attends? Sors les crocs, mange le mic, fais ton buzz, mène la danse. Va leur dire à ces chiens que Brolic n'est pas mort. Vas-y, chante mon couplet, mec, je te jure que c'est la mode. Ça y est, je suis lancé, tu peux me faire que me balancer. Dans le rap, bien sûr, c'est vrai, mais une chose est sûre, c'est que j'ai pas dansé. Trace ta route, le rap qui pue, c'est là-bas. Putain, y'a beaucoup de monde, et ben serre-toi et fais de la place. C'est hardcore, le rap français a régressé. Mon rap agresse sans agresser, les agressifs, je vais les dresser. C'est du Brolic, allez, ta brute, allez, vas-y. Arrête ta flûte, tu parles pour G, tu fais la brune. Dans la vraie vie, tu fais la pute. Bon, à vrai dire, je viens de commencer. C'est que le début de mon écriture, le rap s'assure, j'ai commencé. Ça, c'est du lourd, le nouveau solo est là. Viens bouger sur du Brolic au lieu de bouger sur Lorena. J'rappe les couilles pleines, mais j'ai le cerveau vide. Brolic, ça arrive long, les MC, je viens les faire vomir. J'suis pas là pour faire le mac, et encore moins pour faire ma pute. J'ai trop dormi le couze, maintenant c'est l'heure de faire ma pub. Vaut mieux se taire que parler pour rien dire. Les frères ont la rage, mettent à tirer pour un jean. Dans ma tête, c'est la merde, les MC veulent ma perte. De retour sur Marseille, mes dealers, je les emmerde. Ça fait le mal, ça fait le beau, ça tape des petites secs. Ça fait le grand qui a les gros, mais ça frappe les petits steaks. J'suis venu remettre de l'ordre, toujours anti-force de l'ordre. C'est vrai qu'on cherche de l'or, cherche pas Brolic qui risque de mordre. Dehors c'est la jungle et les petits donnent des coups. Ça frappe pour pas un avec les tripes et les coups. La Marie-Jeanne veut nous tester, va lui dire qu'on la fume. La cipale veut nous pesquer, va lui dire qu'on l'encule. C'est Brolic et sa rage, on court pas après la thune. Si la zik est minable, on va faire crier la plume. Si le rap ne marche pas frérot, j'ai pas d'autre issue. Et si je veux pas finir clochard, c'est pour que ma mère soit pas déçue. Tu vois, dans mon quartier, à côté y'a des villas. Le bonheur, je fais que le sentir. Quand c'est chef, on est criade. Je veux les rapper pour le plaisir, pas pour avoir de la thune. J'ai pas beaucoup de lacunes, mais sur mes feuilles y'a des ratures. Je me suis mis bien parce que je n'avais pas le choix. J'ai même vu des petites sœurs traîner dans le bloc très tard le soir. Je veux pas être défaitiste, mais arrête-moi si je mens. Certains de mes collègues attendent impatiemment leur jugement. Brolic, c'est la relève, mais c'est aussi la concurrence. Pas de concurrence, je me suis fait tellement dur que les concupances. Dis-moi si t'as les tripes et l'envie de tout piner. Je suis venu dans le rap à 14 piges et pour tout piller. On veut tous la même chose, c'est la monnaie. Tu veux rentrer dans le rap, viens me voir, ça me connaît. À dire qu'aujourd'hui, le rap c'est mon fiston. Dans ce milieu pour percer, il faudrait avoir du piston. Insistons pour que l'État nous lâche la grappe. Si Sarko est sur mon chemin, tu peux être sûr que je l'attrape. Mon frère, j'apprends rien à personne, mais il faut des loves. Le coup, toi-même, tu sais qu'un scooter c'est fait pour lever.